Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 14 mars 2017. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Le Burundi est toujours sous les phares de la communauté internationale. Le président de la commission onusienne d'enquête sur les droits de l'homme a déploré hier l'absence de collaboration des autorités burundaises. Fatsar Ouguergouz, devant le Conseil des droits de l'homme, s'est montré préoccupé par les allégations de nouvelles arrestations et de la récente adoption en janvier dernier de deux nouvelles lois qu'il juge restrictives. Et puis, plus de 600 fonctionnaires fictifs ont été recensés par le ministère de la fonction publique au cours de la deuxième moitié de l'an 2016. Le premier vice-président de la République l'a dit lors de la présentation des réalisations des ministères de son ressort pour le deuxième semestre de l'année dernière. Il a même dit que certains agents de la fonction publique ont présenté de faux diplômes. Et le parti Prona se désolidarise avec le premier vice-président de la République dont il est issu, notamment à propos de ses récentes déclarations à Bougindana où Gaston Sindimo a dit que les fonctionnaires onusiens au Burundi devraient être remplacés. Et dans la chronique santé, ce mardi, nous parlerons de la papillomatose du larynx. C'est la plus fréquente affection des tumeurs bénignes du larynx chez l'enfant. Ce sera avec Dr Tadei Ndayishimiye. Il est spécialiste en otorhinolaryngologie. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, la commission onusienne d'enquête sur les droits de l'homme déplore l'absence de collaboration des autorités burundaises. Hier, lundi 13 mars, Fatsar Ouguergouz, président de ladite commission, s'est pourtant montré préoccupé par la gravité et l'ampleur des allégations de violation des droits de l'homme dans le pays, malgré quand même une certaine satisfaction liée à la libération récente des prisonniers politiques. Léonce Vitaliho nous fait le point. Devant le Conseil des droits de l'homme, lundi, le président de la commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015 a indiqué que les membres de sa commission sont préoccupés par l'ampleur et la gravité des allégations de violation des droits de l'homme et des atteintes à ceux-ci au Burundi. Il estime que les tendances observées en 2015 et 2016 persisteraient. Fatsa Ouguergouz salue toutefois la libération de plusieurs centaines de prisonniers suite à un décret présidentiel du 3 janvier 2017. Cependant, selon encore le président de la commission d'enquête onusienne, cette mesure ne représente qu'une action très limitée à la lumière des allégations de nouvelles arrestations visant notamment des membres de partis d'opposition tels que les Forces nationales de libération. Une autre préoccupation de M. Ouguergouz est liée à la récente adoption en janvier dernier de deux nouvelles lois qu'il juge restrictives, l'une sur les associations burundaises à but non lucratif et en attente de promulgation, l'autre sur les ONG internationales. Le président de la commission condamne également des attaques qui ont visé certaines personnalités publiques. Parmi les cas récents, il cite entre autres l'attaque qui a ciblé le conseil en communication du président de la République le 28 novembre et le meurtre du ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Planification le 1er janvier dernier. Les violations du droit à la vie et l'intégrité physique de la personne persistent au Burundi, poursuit-il, même si par rapport à 2015, elle semble être commise d'une manière plus clandestine ou prendre de nouvelles formes. Monsieur Ouguergouz regrette à ce jour l'absence de volonté de coopération du gouvernement burundais, pourtant membre du Conseil des droits de l'homme. Nous continuerons néanmoins à faire tous les efforts nécessaires pour ouvrir un dialogue avec les autorités burundaises et les tenir informés de l'avancée de nos travaux, a-t-il indiqué, appelant en outre les États membres du Conseil ainsi que les États de la région, les Nations Unies, l'Union africaine et les organisations sous-régionales à coopérer avec la Commission. Merci Léon. Ce mardi, le deuxième vice-président de la République était devant les deux chambres du Parlement pour présenter les réalisations des 12 ministères de son ressort. Au cours de la deuxième moitié de l'année 2016, Joseph Boutouré a indiqué que tous les projets ont été mis en œuvre avec uniquement l'argent collecté par l'Office burundais des recettes OBR et que les financements venus de l'extérieur ne représentent qu'un très faible pourcentage. Et dans l'après-midi, c'était le tour des questions orales pour les parlementaires. Et hier, c'était le premier vice-président de la République qui était devant les parlementaires. Il présentait lui aussi le rapport pour la deuxième moitié de l'an 2016. Il a révélé que plus de 600 fonctionnaires payés sans être au service ont été recensés par le ministère de la fonction publique. Le même rapport évoque une dizaine de cas des fonctionnaires ayant présenté de faux diplômes pour l'embauche. Obin Niyonkuru. Ce rapport semestriel fait état de 693 fonctionnaires payés sans être au service. Le ministère de la fonction publique a aussi relevé 18 cas de diplômes frauduleux. Selon ce rapport, l'inspection a été menée dans 9 provinces pour les secteurs de l'enseignement et de la santé. Un montant de plus de 500 millions ayant déjà été récupéré pour le compte du Trésor public à cause de ces cas de fraude. Dans le domaine de la bonne gouvernance, 228 dossiers relatifs à la corruption et autres infractions connexes sont devant le ministère public avec un préjudice de plus de 7 milliards causés. Parmi les défis rencontrés par le ministère de la bonne gouvernance dans la réalisation de ses activités figure l'insuffisance budgétaire, une faible capacité des ressources humaines, ainsi que la lenteur dans le processus d'adoption des textes de loi. Mais ici, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a expliqué au premier vice-président de la République que les projets de loi sont aussitôt analysés dès qu'ils arrivent dans les commissions et de chercher ailleurs l'origine de ces lenteurs. Merci Aubin. Les propos tenus par le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, en commune Bouguenda de la province Gitega, sur le renvoi des fonctionnaires des Nations Unies au Burundi ont été mal interprétés. C'est ce qu'explique Abel Gachatsi, président du parti Prona. Il indique également que ce que déclare le représentant de ce parti au gouvernement n'engage pas son parti. Le parti Prona, ce que je dois souligner ici, est que le représentant du parti Prona à la première vice-présidence, c'est qui prononce, ça n'engage que le gouvernement, ça n'engage pas le parti Prona. Mais ce que vous avez dit, c'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a voulu dire que parmi les fonctionnaires des Nations Unies se trouvant au Burundi, il y a ceux qui n'exercent pas convenablement leurs fonctions. C'est normal. Si ces gens, normalement, doivent servir le pont entre les Nations Unies et le gouvernement du Burundi, si ces gens-là n'exercent pas convenablement leur mission, le gouvernement a la latitude de demander aux Nations Unies de pouvoir remplacer ces gens avec d'autres qui viendront renforcer les bonnes relations anciennes qui existent entre l'ONU et le Burundi. À propos des négociations entre le gouvernement du Burundi et l'opposition, le président de l'UPRONA dit ne pas comprendre comment certains Burundais poursuivis par la justice pourraient être invités au moment où certains d'entre eux croupissent en prison. À l'UPRONA, l'UPRONA étant un parti légaliste, il ne peut pas en aucun cas soutenir que des gens poursuivis par la justice soient invités alors qu'il y a d'autres qui croupissent dans différentes prisons ici au Burundi. Je pense que s'il faut inviter ces gens, ça devrait quand même provenir d'une entente entre la facilitation, le gouvernement. Toutes les questions, pas tabou, on peut débattre toutes les questions et surtout viser à l'intérêt supérieur de notre chère nation. Sinon, l'UPRONA ne peut pas soutenir que des gens poursuivis par la justice soient invités alors qu'il y a d'autres qui sont en train de répondre aux crimes qu'ils ont commis. Abel Gachassi, président de l'UPRONA, s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée par ce parti à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la première rencontre entre Julius Nyerere et le prince Louis Rwagasore. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les nouvelles plaintes parvenues à la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, s'élèvent à 179 et 174 autres ont été traitées par les délégations provinciales au cours d'une conférence de presse sur la réalisation de leurs activités en 2015-2016. Ce mardi, le président de la CNTB a annoncé que ces activités ont été faites malgré les difficultés économiques. Martin Bazumotima souligne également que celui qui n'est pas propriétaire d'un bien ferait bien de le remettre pour renforcer l'équité. Suivez-le. L'année 2015 était une année marquée par les élections. Nos activités sur terrain ont été très minimales, si bien que nous avons clôturé uniquement 174 dossiers qui ont été traités par les délégations provinciales et 54 dossiers concernant les cas de recours qui ont été analysés et délibérés par la commission réunie en plénière. Les nouvelles plaintes qui sont parvenues à la CNTB dans les délégations provinciales s'élèvent à 179. La CNTB a encore à faire car plus de 12 000 dossiers attendent le traitement dans les délégations provinciales et 2300 cas doivent être traités par la sous-commission de recours puis analysés par la commission dans les séances plénières. Nous sollicitons donc le gouvernement et tous les autres intervenants dans le domaine des droits de la personne humaine et de la justice sociale d'accroître leur appui à la CNTB dans la résolution des conflits liés aux crises sociopolitiques qui émaillent l'histoire du Burundi afin que les dossiers confiés à la CNTB puissent être traités avec une plus grande célérité comme voulu par la population. Comment voulez-vous que quelqu'un ait un cœur paisible lorsqu'il veut se faire valoriser par une propriété ou un bien qui ne lui appartient pas? C'est pour cela que la restitution à qui de droit est un principe universel qui date d'antan. Martin Bazumotima, c'est le président de la Commission nationale des terres et autres biens. Et le procès opposant les descendants de Tseba Tutsi à l'État n'a pas été entendu au fond comme c'était prévu ce mardi devant la Cour spéciale des terres et autres biens sur les propriétés foncières de Kizingwe. C'est en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. Ses descendants avaient interjeté appel après la décision de la CNTB attribuant ses propriétés à l'État. La Cour a donné aux avocats de l'État le temps de lire les compléments apportés par les descendants de Tseba Tutsi. En outre, la Cour a demandé aux mandataires de l'association des acquéreurs des parcelles de Kizingwe d'apporter une copie de l'ordonnance portant agrément de cette association qui intervient dans ce procès, ainsi que la liste exhaustive des membres de cette association. Le procès sera entendu au fond le 3 avril prochain. Dans les nouvelles des provinces, une amende allant de 10 000 à 40 000 francs burundais ainsi qu'un emprisonnement jusqu'au paiement de ces sommes, telles sont les unes des mesures prises contre les polygames et concubines de la commune Wusiga en province de Ngozi. La population salue cette mesure mais déplore que des fois cet argent n'arrive pas à destination car ces amendes sont payées sans quittance. Apollinaire Mozagara. Nous sommes polygames de cette commune aussi, car c'est 10 000 francs pour lui et 10 000 francs à chacune des femmes, sauf celle reconnue par la loi. La même amende est aussi payée par toute concubine de son mari. À ceux qui disent que cette amende est souvent rehaussé jusqu'à 40 000 francs bourg. L'administrateur de la commune Wusiga, Nolip, Romain Dagabga, explique que cette élévation est faite à tout couple illégal, récalcitre. En plus de cette amende, ces femmes et hommes restent sous les verrous jusqu'à ce qu'on règle son dû, ajoute l'administrateur de la commune Wusiga. Après, renchérit-il, ces couples polygames sont disloqués, mais pour ceux concubins, la femme rentre chez elle après la libération pour ne retourner chez cet homme après le mariage légal à l'état civil. La population de Wusiga a bien accueilli cette mesure administrative, mais elle déplore que cette amende n'arrive pas toujours à destination, étant donné qu'elle est souvent à payer sans quittance. L'administrateur Romain Lagabga, dû ne pas être au courant de cela, mais invite les concernés à payer cette amende au seul percepteur communal et somnifiant d'une quittance. Donc aussi, Pone Muzagara, Radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, quatre agents du commissariat de police à Bururi ont été blessés lors d'un accident de roulage survenu au niveau de la réserve naturelle forestière de Rumonge, dite Mungongo, sur la route Mutambara-Bururi. Un problème technique du camion à bord duquel ils étaient en provenance de Bujumbura a été à l'origine de l'accident. Nos sources précisent que le véhicule s'est renversé quand une des rotules s'est cassé. SOS Igirubuntu Thierry, c'est un petit enfant âgé de 6 mois ayant une malformation au visage. Il est prévu une opération en France le 18 avril 2017, mais sa famille dit ne pas avoir de moyens. La somme nécessaire est de 850 000 francs burundais seulement pour donner espoir de vie à cette famille de Butavuka, commune de Rugazi de la province de Bubanza. Mireille Kanyang. Je navyaye itarike 11 z'ukwicenda maze kuvyara umwana afise ibibazo avukana ubumuga cendagenda kwa muganga. Chongera Janine, c'est la mère de cet enfant Igirubuntu Thierry, un enfant présentant une malformation du visage. Il a une tumeur du front au nez, les narines tendent à être bouchées de même que les yeux. Igirubuntu respire normalement et joue comme d'autres bambins de son âge. C'est dur pour cette mère qui dit n'avoir pas de moyens pour faire soigner son petit et dit avoir fréquenté différents hôpitaux, mais le cas de son enfant n'a pas pu être traité. J'ai mis au monde le 11 septembre. Après avoir mis au monde un enfant et à ma formation, je me suis rendue à l'hôpital. On m'a demandé de faire des examens, puis je me suis rendue à l'hôpital Roi-Haled. Pourtant, on m'a donné des rendez-vous pour l'opération Mes Envies. J'y ai passé au moins 5 mois et j'ai fini par quitter pour me rendre à l'hôpital militaire. Là, un docteur qui m'a dit qu'au Burundi, il n'y a pas de matériel pour l'opération. Il m'a alors suggéré de chercher 3 millions de francs burundais pour l'achat. Vu que je n'avais pas de moyens, j'ai perdu l'espoir de rester à cet hôpital. Même les frais du scanner, c'était pour moi un problème sérieux. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore payé la totalité. La somme nécessaire pour faire soigner cet enfant en France, en date du 18 avril de l'année en cours, est de 850 000 francs burundais, comme l'explique Alexis Utoyi de l'organisation Le Bon Samaritain. Il a besoin d'une réparation faciale. Il sera opéré en France. Diligence le 18 avril. Une somme totale de 850 000 francs est nécessaire pour payer le passeport, la commission médicale, son autorisation parentale, le vaccin fièvre jaune et un équipement pour un enfant qui part en voyage. On assurera le transport jusqu'à l'aéroport des parents et du convoyeur. Donc, on restera en contact avec la famille qui va l'accueillir et le médecin qui va le soigner. Tous ces frais vont couvrir cela. Pour toute âme charitable, le contact de ses parents est le 79 17 99 37. Merci Mireille Kanyangé. Sachez que ce cas fait le 142e en 5 ans. Ce sont des cas d'assistance médicale urgente reçus par l'association Bon Samaritain. Et ces chiffres nous ont été donnés par Alexis Boutoui. Sans transition, une nouvelle brève en RDC avant de parler dans la chronique santé de la papillomatose du larynx. Je le rappelle, ça sera avec Dr Tadé Ndaïchimié, il est spécialiste en otorhinolaryngologie. En RDC, comme je le disais, toujours aucune nouvelle des deux experts des Nations Unies disparus dimanche 12 mars dans la région du Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo. Une région agitée par une rébellion depuis plus de 6 mois. Les deux experts de nationalité américaine et suédoise avaient pour mandat du Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays ou encore les violations des droits de l'homme. Ils ont été vus pour la dernière fois ce dimanche à environ 120 km au sud de Kananga sur l'axe Chimbulu-Bukonde avec leurs trois chauffeurs de taximoto et leur interprète. Cela fait donc désormais 48 heures que Michael Schaap et Zahida Katalan et leurs quatre accompagnateurs congolais ont disparu depuis hier lundi en hélicoptère de la mission de l'ONU au Congo, tentent de les localiser. De même, au sol, avec une patrouille de la MONUSCO composée de deux blindés, mais celle-ci progresse difficilement dans cette zone assez vaste où il n'y a pratiquement que des pistes en terre. Les autorités congolaises, de leur côté, disent avoir déployé des militaires pour les recherches. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé ce mardi, nous parlons de la papillomatose du larynx, la plus fréquente affection des tumeurs bénignes du larynx chez l'enfant. Docteur Tadé Ndaïchimié, spécialiste en otorhinolaryngologie, explique que la maladie se caractérise par une difficulté de parler. Cette maladie se contracte souvent au niveau de l'appareil génital féminin et se transmet à l'enfant au cours de l'accouchement. Les précisions sont données par Dr Tade Ndayishimiye dans cette chronique préparée et présentée par Francine Nihokugayo. La papillomatose du larynx est une des maladies respiratoires. Elle est définie par Dr Tade Ndayishimiye, spécialiste en otorhinolaryngologie, comme étant une affection récidivante d'origine virale, responsable des lésions bénignes pouvant toucher tout l'axe respiratoire et digestif. C'est une maladie qui s'attaque aux tissus, à la muqueuse des voies respiratoires hautes, et particulièrement au larynx, la trachée, parfois même qui peut s'étendre aux poumons. L'agent causal est un virus souvent rencontré par l'enfant au niveau de l'appareil génital féminin. C'est une maladie qui est due à un virus appelé human papillomavirus. C'est une maladie qui n'est pas transmissible, c'est-à-dire que quand une personne a la papillomatose laryngée, elle ne peut pas contaminer les autres. Le human papillomavirus est un virus qui est le plus souvent rencontré au niveau de l'appareil génital féminin, surtout au niveau du vagin. Et par conséquent, il y a eu des théories, on a pensé que l'enfant contracte la maladie au cours de l'accouchement. Mais cela étant, il y a eu des enfants qui ont eu cette maladie étant nés par césarienne. Cela fait penser que le virus peut remonter, se retrouver jusque dans le liquide amniotique des femmes enceintes. Les enfants ayant entre 2 et 5 ans sont les plus touchés par cette maladie. C'est une maladie qui est le plus souvent remarquée chez l'enfant, entre 2 et 5 ans. Et l'autre catégorie la plus touchée, c'est les jeunes, entre 20 et 30 ans. Et comme cette maladie, on l'attrape au cours de l'accouchement, et disons qu'il y a une période d'incubation de ce virus. C'est probablement après 2 ans de vie que la maladie se manifeste, parce qu'elle a déjà colonisé les tissus. Il faut ajouter à cela qu'il y a des gens qui ont le virus mais qui ne développent pas la maladie. Les difficultés de parler et de respirer sont les principaux symptômes de la papillomatose. Dr Tade Ndayishimiye nous présente également les différentes complications de cette maladie. C'est une maladie qui commence presque toujours par une dysphonie, c'est-à-dire une difficulté de parler. La voix est raillée, c'est une voix qui n'est pas claire. Alors elle évolue de plusieurs façons. Il peut y avoir quelquefois une rémission spontanée sans traitement. Mais elle peut aussi être émaillée de complications qui sont aussi variées. Et la première complication, évidemment, étant une obstruction des voies respiratoires. Et surtout, qui intéresse la partie de l'inspiration. Elle peut aussi avoir une extension vers la trachée, vers les bronches, comme je le disais, et entraîner des difficultés respiratoires sérieuses. On ne peut pas oublier une complication qui est rare, mais qui est possible, c'est une dégénérescence vers un cancer. Notre interlocuteur fait savoir que le traitement de la maladie est un peu compliqué et que dans certains cas, le patient est obligé de se rendre à l'extérieur du pays. Disons que le traitement de la maladie en soi est compliqué. Mais en urgence, ce qu'on fait, c'est une ouverture de la trachée à l'extérieur par voie cervicale, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle une trachéotomie et on met une canule pour que la personne puisse respirer. Et puis, par après, on enlève cette lésion qui est une lésion tumorale, le plus souvent au niveau des cordes vocales. Malheureusement, ça peut récidiver. On en a eu chez qui on a fait ce qu'on appelle épluchage 3 fois, 4 fois. Et c'est un traitement qui est fait de débrouillage, je dirais, parce que le vrai traitement, on fait l'ablation de ces lésions tumorales au laser. C'est un traitement qui n'est pas disponible sur place. Et il y a d'autres traitements qui ont été essayés, des traitements à base d'antirétroviraux. Enfin, Dr Tade Ndayishimiye appelle les femmes à se faire dépister avant de tomber enceinte ou pendant la grossesse, car pour lui, c'est le seul moyen de prévenir et de réduire les effectifs des enfants qui naissent avec la maladie. Merci Francine, merci Dr Tade pour ces éclairages sur la papillomatose. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Albert Ndouaille pour la mise en onde. Micro, Jean Bosco, Douimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.